Chapitre 8. Ensuite, Jésus alla dans les villes et les villages où il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 disciples l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits mauvais et guéries de maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont 7 esprits mauvais avaient été chassés, Jeanne, femme de Cusa, un administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui utilisaient leurs biens pour aider Jésus et ses disciples. De chaque ville, des gens venaient à Jésus. Comme une grande foule s'assemblait, il dit cette parabole. Un homme sortit pour semer son grain. Comme il répandait la semence dans son champ, une partie des grains tomba le long du chemin. On marcha dessus, et les oiseaux les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent parce qu'elles manquaient d'humidité. Une autre partie tomba parmi des plantes épineuses qui poussèrent en même temps que les bonnes plantes et les étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Les plantes poussèrent et donnèrent du fruit, elles produisirent 100 grains chacune. Et Jésus ajouta, « Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre. » Les disciples de Jésus lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur répondit, « Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume de Dieu. Mais aux autres gens, ils sont présentés sous forme de paraboles, afin que, selon ce qui est écrit, ils puissent regarder mais sans voir, ils puissent entendre mais sans comprendre. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Certains hommes sont semblables au bord du chemin où tombe le grain. Ils entendent, mais le diable arrive et arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres ressemblent à un sol pierreux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un instant, et ils abandonnent la foi au moment où survient l'épreuve. La semence qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux qui entendent. Mais ils se laissent étouffer en chemin par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ils ne donnent pas de fruits mûrs. La semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un cœur bon et bien disposé, qui demeurent fidèles et portent ainsi des fruits. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un seau ou pour la mettre sous un lit. Au contraire, on la place sur le porte-lampe afin que ceux qui entrent voient la lumière. Tout ce qui est caché sera rendu visible, et tout ce qui est secret sera connu et mis en pleine lumière. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car celui qui a quelque chose recevra davantage, mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il pense avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On l'annonça à Jésus, « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et désirent te voir. » Mais Jésus dit à tous, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et lui obéissent. » Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Soudain, un vent violent se mit à souffler sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus, le réveillèrent et lui dirent, « Maître, « Maître, nous allons mourir. » Jésus se réveilla et parla sévèrement au vent et aux grandes vagues qui s'apaisèrent. Il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples, « Où est votre foi ?» Mais ils avaient peur, étaient remplis d'étonnement et se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Il donne des ordres même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. » Ils abordèrent dans le territoire des Gergéséniens, qui est de l'autre côté du lac en face de la Galilée. Comme Jésus descendait à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Cet homme avait en lui des esprits mauvais. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais vivait parmi les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en prie, ne me punis pas. » Il dit cela parce que Jésus ordonnait à l'esprit mauvais de sortir de lui. Cet esprit s'était emparé de lui bien des fois. On attachait alors les mains et les pieds de l'homme avec des chaînes pour le garder, mais il rompait ses liens, et l'esprit l'entraînait vers les lieux déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Mon nom est Multitude, » répondit-il. En effet, de nombreux esprits mauvais étaient entrés en lui, et ces esprits priaient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Il y avait là un grand troupeau de porcs qui cherchaient sa nourriture sur la colline. les esprits demandèrent à Jésus de leur permettre d'entrer dans ses ports. Il le leur permit. Alors, les esprits mauvais sortirent de l'homme et entrèrent dans les ports. Tout le troupeau se précipita du haut de la pente dans le lac et s'y noya. Quand les hommes qui gardaient les ports virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et portèrent la nouvelle dans la ville et dans les fermes. Les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme que les esprits mauvais avaient quitté. Il était assis aux pieds de Jésus, il portait des vêtements et était dans son bon sens. Et ils prirent peur. Ceux qui avaient tout vu leur racontèrent comment l'homme aux esprits mauvais avait été guéri. Alors toute la population du territoire des Gergéséniens demanda à Jésus de s'en aller de chez eux, car ils avaient très peur. Jésus monta dans la barque pour partir. L'homme que les esprits mauvais avaient quitté priait Jésus de le laisser rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » L'homme s'en alla donc et annonça dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. Au moment où Jésus revint de l'autre côté du lac, la foule l'accueillit car tous l'attendaient. Un homme appelé Jaïrus arriva alors. Il était chef de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le pria de venir chez lui parce qu'il avait une fille unique, âgée d'environ 12 ans, qui était en train de mourir. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement. Aussitôt, sa perte de sang cessa. Jésus demanda, « Qui m'a touché ?» Tous niaient l'avoir fait, et Pierre dit, « Maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » La femme vit qu'elle avait été découverte. Elle vint alors, toute tremblante, se jeter aux pieds de Jésus. Elle lui raconta devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie immédiatement. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix. » Tandis que Jésus parlait ainsi, un messager vint de la maison du chef Jaïrus et dit à celui-ci, « Ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. » Mais Jésus l'entendit et dit à Jaïrus, « N'aie pas peur. Crois seulement et elle guérira. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean, à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient à cause de l'enfant. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui, car ils savaient qu'elle était morte. Mais Jésus la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Elle revint à la vie et se leva aussitôt. Jésus leur ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent remplis d'étonnement, mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé.